Écoutez les amis, j'ai à vous parler de ce qui m'est arrivé. Je devais voir Sylvie toute la journée et j'étais très exalté. Mais j'ai eu des ennuis qui m'ont contrarié et ça n'a pas bien marché. Elle m'a fait attendre une heure et demie. C'est toujours la même histoire. Dans les cours en verre et sous la pluie. C'est toujours la même histoire. J'en ai donc été qui brûle belle bronchie. C'est toujours la même histoire. Ensuite on est allé au ciné. C'est toujours la même histoire. Et ce n'était pas très bon marché. C'est toujours la même histoire. Mais comme elle est vorace, elle a mangé des glaces. C'est toujours la même histoire. Puis elle a commencé à parler. C'est toujours la même histoire. Et je n'ai jamais pu l'arrêter. C'est toujours la même histoire. Avec toutes ces sornettes, j'ai eu mal à la tête. C'est toujours la même histoire. Écoutez les amis, je dois vous confier que j'en ai vraiment assez. Maintenant c'est fini, c'est bien terminé d'être ainsi infortuné. J'ai quitté la Sylvie pour l'éternité et vive la liberté. J'ai retrouvé mes vieux amis. C'est toujours la même histoire. Ils m'ont parlé d'une certaine Sophie. C'est toujours la même histoire. On dit qu'elle est gentille et qu'elle est jolie fille. C'est toujours la même histoire. On dit qu'elle est divine et qu'elle est très câline. C'est toujours la même histoire. On dit qu'elle est charmante et puis